tous les soirs en direct sur la Une, Permission de minuit. Des stars, des surprises et l'événement de la nuit. Cinéma, théâtre, littérature, musique, art plastique. Frédéric Mitterrand invite tous ceux qui le méritent. Des reportages, de vieilles pubs, une minute de haine et un coucher de star. Tous les soirs, on va s'amuser. Avec Frédéric Mitterrand ou Jérôme Garcin, vous avez la permission de minuit sur la Une. Souriez, c'était la météo du week-end avec Fujicolor. Bonjour et bienvenue à ce Presse Club exceptionnel, le Presse Club de l'année 94, donc pour ce 31 décembre, avec un certain nombre de grands sujets qui auront bien sûr marqué cette année 94. Notre première partie sera consacrée à la France et la seconde à la situation à l'étranger. Nous allons...